tirant ma flèche, j'ai tué Robin, qui l'a vu mourir. Moi, dit le héron, de mes grands yeux ronds, je l'ai vu mourir. Qui a pris son sang? Moi, dit le bruant, dans un récipient, j'ai pris de son sang. Laissez-moi filer, je tisserai son suaire. Qui creusera sa tombe? Moi, dit la sarcelle, en m'aidant d'une pelle, je creuserai sa tombe. Qui sera le prêtre? Moi, dit le vautour, s'il fait encore jour, je serai le prêtre. L'office qui sera pleureuse, moi dit la colombe, comme mes larmes tombent, je serai pleureuse. Qui chantera le psaume? Moi dit le pinson, depuis les buissons, je chanterai le psaume. Loi et le buzard, nous porterons la boîte. Qui fera l'éloge? Moi, dit la corneille, s'il y a du soleil, je ferai l'éloge. Qui sonnera le glas? Moi, dit l'épervier, du haut du clocher, je sonnerai le glas. Gorge rouge.